Lost in Space, comme tous les dimanches, vous accueille à partir de 21h pour une session quasiment exclusivement réservée au punk rock, musique bruyante, bruitiste, bizarre, diverses et variées. Pour connaître les titres, rendez-vous sur la page Facebook ou sur le site de l'émission et c'est parti. My brother, my uncle, my auntie, they're all going mad. The man on the street, everyone I meet, the whole wide world's going mad. The whole fucking world's going mad, mad, so mad. The teacher, the tailor, the soldier, the sailor, the rich man, poor man, beggar man, thief, man on the street, everyone. The whole wide world's going mad. The whole wide world's going mad. So mad. The whole wide world's going mad. The whole fucking world's going mad. We'll be right back. La première émission sur laquelle j'ai travaillé, c'était Bon Baiser de Partout. C'est la dernière série de Bon Baiser de Partout. Là, c'était un feuilleton. Donc, on enregistrait assez souvent. Donc, et c'était Lavoignac, c'était l'ingénieur du son. C'était des vieilles consoles, c'était des vieux studios, c'était des anciennes consoles métalliques à lampe. Et on tournait en 38 et on faisait des volets pour faire des reprises. C'est comme les reprises de Polar quand ils faisaient les mix-films. Donc ils renvoyaient, tu fais comme un drop, quoi. C'est la même chose, c'est du drop manuel. Voilà. Et puis des fois, ça se plantait, on faisait un collant, on faisait des collants aussi. Hein. Mais là, c'était pratiquement fait en temps... Tout était fait en direct, pratiquement. You got 90% of the American public out there with little or no net worth. We make the rules, pal. The news, war, peace, famine, upheaval, the price of a paperclip. We pick that rabbit out of the hat while everybody sits out there wondering how the hell we did it. Now, you're not naive enough to think we're living in a democracy, are you, buddy? From our chest, let's go. 105. Allez-y, madame. Mettez votre enveloppe dans l'urne. Pas voté. François Mitterrand. Petit précis d'histoire à l'usage des politiques. Claire de Stein. Vous comptez les deux registres. François Mitterrand. Est-ce qu'on fait dans les épingles? Non. Oui, mais pour les recompter non, après. Un lassin et on retrouve. D'accord. Il est 20h, le scrutin est clos. Nous sommes en 2010. Souvenez-vous, Éric Besson est ministre de l'Immigration, de l'Intégration et de l'Identité nationale du gouvernement de Nicolas Sarkozy. Il a placé la question de l'identité nationale au cœur de sa réflexion politique. Des réunions publiques sont organisées dans toute la France sur ce thème. Le grand débat sur l'identité nationale s'ouvre le 2 novembre 2009 et se poursuit jusqu'au début 2010. To the bar without a bed in between. I get the best years of my life. We'll be right back. Oui, tout à fait Adèle, car le dimanche 23 avril prochain, nous aurons fait un choix, celui de voter ou pas, celui d'élire un candidat ou de s'abstenir, mais d'ici là, comment se décider ? Yeah. J'ai de la piduche. Maintenant je suis atroce dans la rue, les gens me prennent pour Coluche. J'ai trouvé mon gimmick, je suis un clown psychédélique. Je m'admets comme un bloc pour avoir un air new look. C'est plus économique, c'est plus pratique. Je suis pas c'est fantastique. Je suis hétérosexuel, je fais draguer rue, ça m'est porte au fil. Je mets des portes d'hortel pour faire l'amour avec ma petite frangie. Je vis l'instant présent, je laisse la morale au coulant. Ma seule loi c'est l'extase sur le robinet du gaz. C'est plus économique, c'est plus pratique. Je fais du fantasme. Yeah. Au départ de cette série, il y a des cellules microscopiques, la mort en éprouvette et des épidémies légendaires. Il y a des questions, des croyances et des peurs enfouies. Il y a ces mots qui font froid dans le dos, virus, microbes, bactéries, parce qu'ils sont partout et invisibles, inoffensifs ou redoutables. Et puis il y a aussi la somme des images que l'on a en tête, nos vieilles histoires et le souvenir qu'avant, les vaccins, on mourait en France de la variole, de la diphtérie, de la polio, du tétanos, de la rage et de la tuberculose. Et pourtant, de nouveau, au pays de Pasteur, l'inquiétude est là. La couverture vaccinale a des trous et désormais, un nourrisson peut de nouveau mourir de la coqueluche. The voice of oi is calling you with a message that is true. Punky Herbert, straight and skin. All of you, come on in. Cause oi's for skins and oi's for punks. It's fun and fury, it's urban funk. Yeah, the voice of oi is unity. The beat of the street is you and me. United is the thing to be. Think how strong we can be. United against society. To stick together and see it through. Strength through oi's, me and you. Let them twist our every word, but we are gonna be heard. Cause oi ain't about having a fight, oi ain't about black v white. The voice of oi is unity, no them and us, just you and me. United is the thing to be, think how strong we can be. United against society. Beaucoup de suppositions entourent la vie de Chrétien de Troyes. Il semble avoir été un humaniste, empruntant à Ovide ses exercices littéraires, puis composant, souvent sur commande, des œuvres où la Bretagne, autant que la quête d'amour, construisent un monde où l'enchantement revêt des formes mystérieuses. C'est en 1177 que cet écrivain majeur du XIIe siècle composera Lancelot ou Le Chevalier de la Charrette, où se dessine la cour du roi Arthur, autant que l'amour courtois. Pour Daniel Poirion, qui a dirigé la publication des œuvres complètes dans la Pléiade, il offre aux esprits les plus subtils une source inépuisable d'interprétation et au lecteur naïf, à l'enfant qu'il y a en nous, des modèles à admirer. Depuis up for the day. Monsieur, comme vous le savez, je ne serai pas élu et tout engagement de ma part ne serait pas crédible. Cela dit, je suis d'accord avec vos trois demandes. Ne pas modifier la loi sur la laïcité, ne pas introduire d'aménagement particulier à l'égard d'une communauté religieuse, ne jamais réintroduire le délit de blasphème dans la législation. Voilà ce que répond Nathalie Arthaud à Charlie Hebdo. L'hebdomadaire a sollicité l'ensemble des candidats à la présidentielle afin qu'ils s'engagent à défendre la laïcité autour des trois points évoqués et leurs réponses sont publiées cette semaine. Cicatrizes permanentes. United! connaît pas leur nombre exact, mais ils seraient en France entre 80 et 120 000 à vivre en mobile home, dans des campings ou dans leur version améliorée nommée parc résidentiel de loisirs. Ils sont souvent retraités ou étudiants, mais on y voit de plus en plus de familles qui débarquent avec la perte d'un travail ou un chômage qui dure trop. On y croise aussi des employés précaires, des temps partiels subis et autres statuts peu réjouissants qui fleurissent dans la France du 21e siècle. Le camping permanent est interdit par la loi, mais toléré en pratique, ce qui implique une certaine part d'angoisse dans la vie des vrais faux campeurs qu'on peut sommer de décamper, si je puis dire, à chaque instant. Have any other work? Who do? Mille et un instantanés, mille et un regards singuliers accrochés un peu partout et auxquels le livre, le bon vieux livre photo sur beau papier, donne une profondeur, une cohérence inégalable à l'heure de l'image volatile qui fait pchit sur nos écrans numériques. Thank you. Věřme dál socialismus a demokracii. Vážení přátelé, napřed. Uvažujeme gosti. 27. sjezd KPSS. Sous la conduite du général Volcker et du général Dean, héros du combat de Téhéran. Placed and is placing medium and intermediate range missiles and sites in Cuba. Yes or no? Father's advice, don't call them back early. Who's a little bit abused? Tells me she writes for some monthly magazine called Days and Confused. That's me! Ta haine te fera crever. elle me réchauffe.

Personne n'y croira jamais sans mes photos, se dit Max Pylowski en orbite autour des deux vaisseaux à 500 mètres de distance. C'est parfaitement indécent, comme si Leonov était en train de violer Discovery. Et maintenant que j'y pense, le vaisseau russe, compact et trapu, a vraiment un air masculin à côté du vaisseau américain, si fin et si élégant. En fait, la plupart des opérations d'amarrage ont des allures nettement sexuelles, et il se souvenait qu'un des premiers cosmonautes, il avait oublié son nom, avait été réprimandé pour les mots trop crus qu'il avait employés au point culminant de sa mission. D'après ce qu'il pouvait voir en observant soigneusement les vaisseaux, tout était en ordre. Ajuster les coques et les relier solidement avait pris plus de temps que prévu et aurait été impossible sans un de ces coups de chance qui semblent parfois, pas toujours, favoriser ceux qui le méritent. Par bonheur, Leonov transportait plusieurs kilomètres de lanières en fibres de carbone, des rubans pas plus larges que ceux que les filles se mettent dans les cheveux, mais capables de supporter une traction de plusieurs tonnes. God permission, but only I. Pourtant, après réflexion, quand sa stupéfaction première fut retombée, il était difficile de voir en quoi une tache noire qui s'élargissait sur la surface de Jupiter pouvait représenter un danger quelconque. C'était extraordinaire, inexplicable, mais bien moins important que le moment crucial qui les attendait 7 heures plus tard. Une mise à feu réussie au périgée, Périgeuve, était la seule chose qui comptait. Ils auraient tout le temps d'étudier de mystérieuses taches noires pendant le voyage de retour. Et de dormir. Floyd avait abandonné toute idée de sommeil. Même si l'impression de danger, d'un danger connu du moins, était moins forte qu'à leur première approche de Jupiter, l'inquiétude et l'excitation s'unissaient pour l'empêcher de dormir. L'excitation était naturelle et compréhensible, l'inquiétude avait des origines plus complexes. Goodbye Texas, goodbye for good. You know I never loved you, you know I never could. And I'm going back to my neighborhood. Gotta leave the states, gotta hit the streets, gotta get away, gotta roll it out. I'm going back to my neighborhood, going back cause I know I should. Select a drop zone. Invalid target. Invalid target. Invalid selection. Invalid selection. Group Q for sellback.